C'est à vous qu'est destinée la promesse et à vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2, verset 39.